a charbonné tout l'hiver. Le cœur blessé, on perd pas temps pour te livrer. J'ai toujours des frères en tôle que je dois délivrer. Tu nous connais, le charbon nous rémunère. Et plus rien ne sert de doux. T'es, t'inquiète, on t'en ramène à l'heure du goût. T'es, en fait de fort l'ancien, c'est l'heure de doux. Blé. La chambre d'eau, 230 cousins. Oco Mico, c'est Mochis, bouche cousue. Et on fait dodo, le calibre sous le poussin. Quand ça passe au vert, il m'a trop l'air gamé, assez souffert. Le terrain est open, ça laisse la porte ouverte. Et puis tu sais qu'on n'a pas tout fait. Y'a des produits d'enfer qui vont faire tout. C'est appel de fort l'ancien, c'est l'heure de tout. Blé. J'suis dans une auto, ça me regarde sans m'élaguer. Là c'est le fuego, y'a les condés à la gare. Elle veut mon bigo, je crois que j'vais mettre un P. Copilote.